petit chat a des ailes, il ne fait aucun détour et ne tombe jamais de selle sur l'ensemble de son parcours. Du haut de son mirador, le coq surveille sa volière, prend l'air d'un conquistador, son lance-pierre en bandoulière. Il se montre par ici et se place un peu par là. Le pouvoir n'a pas de prix, il le touche du bout des doigts, mais seul devant sa table. Au soleil couchant, il pense à des voyages et à des enfants. Le petit chef a grandi, il est monté d'un étage, ne regarde que devant lui, détruit tout sur son passage. Il n'a que très peu de haine, juste ce qu'il faut pour gagner. Il ne manque pas d'oxygène, aime parler et s'écouter. Le sommet, c'est pour bientôt, son destin est ascendant. Secrétaire et dactylo se prosternent loin en avant, mais seul devant sa table. Au soleil couchant, il pense à des voyages et à des enfants.